Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Ce que vous venez d'entendre, c'était les commentateurs du réseau TNT aux États-Unis, un panier probablement historique qu'on va peut-être avoir dans plusieurs années lorsqu'on va faire des rétrospectives des séries des matchs éliminatoires mémorables. C'était hier un panier de Kawhi Leonard avec il ne restait plus de temps qu'à l'an qui a permis aux Raptors de l'emporter 92-90 pour éliminer les 76ers. On en parle avec l'entraîneur adjoint des Raptors 905, filiale des Raptors de Toronto, Charles Dubé-Breb. Salut Charles. Salut Danny. Charles, écoute, es-tu d'accord avec moi que c'est un match historique? C'est un match qui va faire en sorte qu'on va gagner des nouveaux fans. Et surtout au Québec, là. Ouais, ben je pense que c'est une belle pub pour le basket NBA puis pour les Raptors de Toronto. Le basket de playoff NBA est toujours très très excitant. À mon avis, je pense que il est pas moins excitant que le basket du March Madness. Le March Madness a une grande popularité, mais moi j'ai toujours trouvé que le basket des playoffs NBA a quand même une qualité largement supérieure au niveau basket, puis provoque aussi des situations comme celles qu'on a vues hier. Puis la chance qu'on a eue, c'est que hier, c'est tombé en faveur des Raptors de Toronto, qui est la seule équipe au Canada. Donc, en espérant que ça peut toucher beaucoup de fans au Canada, puis au Québec en particulier, puis que justement, que ça contribue à ce que les gens au Canada se rallient derrière la cause des Raptors. Lorsque Masai Ujiri a pris un risque énorme l'an dernier, lorsqu'il a échangé DeMar DeRozan au Spurs de San Antonio en retour de Kawhi, écoute, on visait rien de moins que la grande finale de la NBA, parce que Kawhi, on l'a même reposé en saison régulière justement pour ça, pour qu'il soit en forme, mais forcé d'admettre qu'il livre la marchandise. Là. Jusqu'à maintenant, il fait bien paraître Masai Ujiri. C'est incroyable. Ouais, ben, bon... L'idée de base derrière l'échange, c'est aussi que dans la NBA, il y a trois façons d'acquérir un joueur, ben comme dans le sport professionnel en général, c'est-à-dire soit par le repêchage, soit par un échange, ou soit comme agent libre. Puis en fonction du marché dans lequel tu évolues ou de la ville dans laquelle tu évolues, t'as le repêchage, c'est la même chose pour tout le monde, mais on sait que certaines équipes qui sont dans des marchés qui sont plus populaires auprès des joueurs, comme Los Angeles, Miami, vont avoir peut-être un peu plus de facilité à aller chercher des joueurs par biais du côté des agents libres, mais les joueurs qui, comme Kawhi Leonard, quand tu es à Toronto, tu sais que quand tu as une opportunité de les avoir, va falloir que ce soit par le biais d'un échange. Puis c'est pour ça que Masai Ujiri est allé all-in, si tu veux, en termes de poker l'année dernière, en disant ben on va essayer d'aller chercher un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA, chose qu'on n'a jamais eu à Toronto. Puis on est prêt à donner à un des joueurs, ben le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise des Raptors, qui était DeMar DeRozan. Après de dire c'est absolument pour atteindre la finale ou quoi que ce soit, bon, il y a une espérance que oui, on va se rendre, disons, plus loin qu'on s'est jamais rendu, c'est-à-dire oui, en finale, est-ce que seulement une finale NBA valide cet échange-là? Je pense que l'idée derrière l'échange, c'était que on va pas juste continuer avec la même équipe année après année en espérant un résultat différent. Je pense que les Raptors avaient vu ce que l'équipe avec Lowry, DeRozan, Valanciunas et compagnie pouvait donner, c'est-à-dire une des 7-8 meilleures équipes de la NBA, mais qu'il manque quand même quelque chose pour accéder au niveau supérieur. Puis Kawhi Leonard était disponible l'été dernier, donc on est allé le chercher pour ça, puis c'est bien qu'il nous fasse bien paraître en ce moment. Maintenant, de dire que Masai n'aurait pas gagné son pari si on n'avait pas réussi le tir hier soir puis qu'on avait perdu, ouais. Ça, je suis pas certain que de toute façon c'était pas la meilleure idée dans tous les cas que de tenter le coup puis de voir comment l'équipe, parce que bon, l'équipe de Rosen de Lowry, elle serait pas non plus pendant les 5-6 prochaines années. Il y a un moment donné où il fallait changer quelque chose. Masai a pris la bonne décision puis on en récolte les résultats. As-tu rencontré Kawhi Leonard parce que de la manière que T'es près des Raptors de Toronto, c'est sûr, t'es l'entraîneur adjoint des Raptors 905, filiale des Raptors, mais votre, je pense que vous jouez, c'était à une demi-heure de Toronto, donc vous avez sûrement eu l'occasion de fréquenter les Raptors. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer, Kawhi? Ben, j'ai déjà croisé Kawhi plusieurs fois, mais j'ai pas à interagir directement avec lui du fait que les Raptors, ben, justement, quand nous, on utilise le complexe d'entraînement des Raptors, c'est souvent quand les Raptors sont à l'étranger. Donc, nous, on est là quand eux, ils y sont pas, ou alors, des fois, on peut avoir des réunions, puis eux, ils y sont, donc on va les croiser, mais bon, disons que, on fait pas exprès non plus de se croiser. On va les croiser au Scotiabank Arena, des fois, des soirs de match, quand nous, les coachs, on va voir le match, mais en même temps, on veut pas faire exprès d'être tout le temps autour de l'équipe des Raptors en elle-même, qui tu veux pas non plus si tu veux être un intrus dans leur cocon, dans leur bulle, surtout en séries éliminatoires. Donc oui, le croiser occasionnellement, oui, mais pas d'interaction quotidienne avec lui. Est-ce qu'il semblait heureux, parce qu'hier je l'ai vu sourire pour la première fois de ma vie? Ben disons que Kawhi, c'est quelqu'un de très secret qui est qui est assez introverti, qui veut pas être dérangé par tous les facteurs de justement de dérangement autour de lui qu'il peut avoir. C'est un gars qui est heureux quand il travaille fort, il est très très professionnel. C'est un gars qui a pas non plus le talent naturel, je dirais, d'autres ailiers scoreurs comme peut-être Kevin Durant ou Carmelo Anthony, si on veut, dans les dernières années, des gars qui scorent la balle presque sans effort. Kawhi, c'est un joueur qui a vraiment travaillé très très dur pour devenir le joueur qui est devenu. Il a toujours été excellent défenseur, le côté défensif a toujours été là, mais personne pensait qu'un jour il serait au niveau où il est offensivement. Puis ça, c'est le fait d'être un travailleur, puis justement, c'est le bon vieux, c'est le joueur qui ferme sa gueule puis qui travaille, tu sais, puis c'est ça qui est admirable chez lui aussi. En même temps, par rapport à toutes les questions que les gens se posent par rapport à lui à Toronto, il est l'inverse de ce que Kyrie Irving a fait. Moi, je pense que Kyrie, si on fait la comparaison, s'est attiré en quelque part des problèmes parce que sans que personne lui demande au début de l'année, il a dit ben moi je veux rester à Boston. Puis après ça, ben quand il y a il est plus sûr s'il veut rester, ben là, tout le monde dit ouais, mais t'avais dit que tu restais. Puis là, il dit ben vous me redemanderez le 1er juillet, puis il se frustre sur les journalistes. Mais j'ai envie de dire, personne lui avait demandé de se commettre au mois d'octobre non plus. Donc sans faire une critique de Irving, mais Irving, entre guillemets, démontre ce que ça fait que des fois de trop parler, puis de se mettre dans une situation, ouais, j'ai dit quelque chose, mais je suis plus sûr que je le pense encore. Alors que Kawhi, je pense que lui, veut pas en réalité, mon feeling à moi, c'est que je sais même pas si lui a décidé depuis le début ce qu'il va faire. Je pense qu'il se donne le temps de vivre le moment présent. Je pense qu'en ce moment, il vit quelque chose d'exceptionnel avec les Raptors. Et il veut en profiter à fond. Puis après, quand va arriver la fin de la saison, il va déterminer ben qu'est-ce qu'il veut faire pour la suite de sa carrière. Est-ce qu'il préfère aller revenir plus près de chez lui à Los Angeles, où il a adoré la situation à Toronto, puis il veut poursuivre ça pendant quelques années, donc c'est vraiment sa décision, puis ça, nous, on n'est pas au courant. Okay. Charles, je veux te parler maintenant de contre les Bucks de Milwaukee. Comment tu vois ça? Moi, je m'attends, écoute, ça va être, j'ai mis les Bucks en 6 parce que premièrement, plus de profondeur, plus, ils sont reposés, ils vont jouer à la maison, ils ont l'avantage du terrain. Les Raptors, soyons honnêtes, si Kawhi Leonard n'est pas là, ils sont déjà en vacances. Il y a des joueurs qui livrent pas marchandises. T'as fait hier, t'as vu que RDS a montré des statistiques de Leonard et les quatre partants. Leonard avait plus de points que les quatre partants à eux seuls. Fait que les Bucks, quand même si on avait à se faire l'avocat du diable et à dire c'est quoi le principal argument contre les Bucks, c'est aussi le fait qu'ils sont très dépendants d'une superstar et que, bon, je ne veux pas parler trop vite, mais leur deuxième meilleur joueur, qui est probablement Chris Middleton, est typiquement moins bon que le deuxième meilleur joueur des équipes qui gagnent le championnat normalement. Donc, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que le doute sur les Bucks, c'est ça. Donc, c'est deux équipes qui sont très dépendantes d'une superstar, même si je suis d'accord avec toi que les Bucks sont probablement une profondeur un peu plus grande. Les Raptors ont fait certains moves cette année pour justement rajouter un peu plus de punch à leur 5 de départ, donc l'arrivée de Marc Gasol, qui est pas toujours mesurable par simplement son impact statistique ou combien de points il score. Je veux dire, Kawhi Leonard est meilleur depuis que Marc Gasol est là aussi. Donc, il y a des choses que Gasol apporte. Je veux dire, Gasol a maintenu Joel Embiid bien en dessous de ses moyennes de saison régulière parce que c'est un excellent défenseur. Donc, c'est sûr que si on mesure la chose par simplement combien de points les gars ont scoré autour de lui, oui, effectivement, les joueurs autour de Kawhi ont peut-être pas produit au niveau qu'on pourrait s'attendre. Je pense qu'effectivement, ils doivent produire plus s'ils veulent battre Milwaukee aussi, parce que à un moment donné, pour battre Milwaukee, il va falloir plus de 3 points réussis, surtout dans des situations de tir ouvert, que ce soit Danny Green, que ce soit Fred VanVleet. On a vu que hier, les Raptors n'auraient pas gagné sans la contribution énorme de Serge Ibaka. On a besoin de Serge. On a besoin d'un bon Serge. On a besoin éventuellement du retour d'OG Anunoby, qui est un joueur important dans notre équipe, qui n'a pas eu une grande saison, mais qui reste un rouage important. Norman Powell peut être un joueur important. Donc, la contribution de ces joueurs-là va être importante. Mais ça reste deux équipes qui sont vraiment tiré par une superstar, contrairement à d'autres équipes, par exemple comme les Sixers qu'on affrontait, qui en ont 3,5, j'ai envie de te dire presque 4 si on inclut Tobias Harris. Il y a beaucoup d'analystes de basket qui disaient ben les Raptors ont probablement le meilleur joueur dans la série, mais les 4 suivants sont avec les Sixers. Alors que là, si on avait à dire qui sont les meilleurs joueurs dans la série contre les Bucks, sur la saison qui vient de se passer, peut-être on dirait c'est Giannis. Sur la série de playoffs, on dirait c'est Kawhi. Disons que on peut dire c'est peut-être à peu près égal sur le meilleur joueur des deux équipes. Après, qui est le meilleur joueur après ça? C'est peut-être Middleton, mais c'est peut-être Pascal Siakam aussi. Kyle Lowry, Marc Gasol par rapport à Brook Lopez et Eric Bledsoe. Bon, il y a un peu plus de profondeur par la suite, avec Mirotić, avec Ilyasova, avec Malcolm Brogdon, puis le reste des joueurs des Bucks. On a vu que Pat Connaughton, puis Tony Snell et compagnie sont capables d'apporter aussi pour les Bucks. Mais les Raptors ont ce type de joueurs-là aussi. C'est juste que ces joueurs-là ont moins bien performé jusqu'à maintenant. Les Bucks vont faire office de favoris parce que c'est quand même, après tout, l'équipe qui a gagné le plus de matchs cette année. Ils ont l'avantage du terrain, comme tu dis, donc c'est des facteurs importants. Mais en même temps, nous, ce qu'on espère à Toronto, c'est que l'avantage du terrain, tu peux le perdre en 5 minutes. Hein. Nous, on l'a perdu dans le match 2 contre les Sixers. On avait l'avantage du terrain, puis le tir de Danny Green ne rentre pas à la fin. Puis finalement, soudainement, c'est les Sixers qui avaient l'avantage du terrain. Donc, ça peut changer vite. On va espérer gagner un des deux premiers matchs à Milwaukee, puis voir ce qui se passe après. Okay. Charles, très intéressant. On va t'en reparler peut-être d'ici la fin de la série. Super, très content de vous parler aussi. Voilà, l'entraîneur adjoint des Raptors 905, Charles Dubé-Bret.